Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Choisi et proposé par Julien Doumenc. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Neil Cassady fut longtemps considéré comme l'icône de la Beat Generation. Poète, il inspira à Jack Kerouac le personnage de Dean Moriarty dans son roman manifeste « Sur la route ». Mais sa correspondance témoigne qu'il n'était pas seulement un héros de roman, un effluve et un rêve comme il se définissait lui-même, mais aussi un écrivain des plus incandescents, tant son écriture est proche de sa douleur. Cinquième épisode, The Joan Anderson Letter. Le 17 décembre 1950, Neil Cassady écrit à Jack Kerouac une lettre fleuve qui restera célèbre sous le nom de Joan Anderson Letter. Joan Anderson était une des nombreuses conquêtes de Cassady. Ces 18 pages de prose spontanée seront qualifiées de pur chef-d'œuvre par Ginsberg. L'ironie de l'histoire veut que le manuscrit de cette lettre ait été retrouvé dernièrement et vendu aux enchères pour une somme estimée entre 400 et 600 000 dollars, alors que son auteur est mort dans un fossé le long d'une voie ferrée en 1968. Il avait 41 ans. À Jack Kerouac, 17 décembre 1950, 29 Russell Street, San Francisco, Californie. Avoir vu un fantôme n'est pas un événement. Et des masques de mort empilés les uns sur les autres, il y en a jusqu'au ciel. Encore plus fréquent, les visages blêmes de ceux qui reviennent du royaume des ombres. Tout ça ne signifie pas grand-chose pour qui n'a pas soulevé le voile. L'infirmière du service m'a averti qu'il ne fallait pas la fatiguer, mais comment fait-on pour éviter ça? Et elle ne m'a accordé que quelques minutes. L'infirmière en chef m'a aussi fait remarquer que j'étais autorisé à la voir uniquement parce qu'elle me réclamait sans arrêt et que je devais lui remonter le moral. Elle avait frôlé la mort, et elle n'était pas vraiment tirée d'affaire. En fait, elle s'affaiblissait à vue d'œil, et ses jours étaient encore en danger. Franchement impressionné par ma mission, je suis entré, et mes yeux se sont posés sur la frêle silhouette qui reposait paisiblement sur le haut lit blanc. Son visage blafard était plus blanc que blanc, comme de la craie. Son état d'extrême faiblesse était poignant. On aurait dit qu'elle n'avait plus une seule goutte de sang dans le corps. Ses maigres bras d'ivoire s'effilaient comme des lames jusqu'au léger renflement de ses paumes étroites, et ses mains, encore plus décharnées, tordues vers l'intérieur, se terminaient par de longs doigts crispés. Voilà. Avec sa tête aux cheveux complètement emmêlés et si noirs qu'ils contrastaient avec toute cette blancheur, tout ce qu'on pouvait voir d'elle. Parfaitement normal, je sais. Mais je n'en revenais pas. Elle ressemblait si horriblement à une morte. Mon visage était au-dessus du sien. Et quand elle a ouvert les yeux au bout d'environ 10 minutes, ils ont tout de suite rencontré les miens. Ils n'ont exprimé aucune surprise, ni scillé le moins du monde. Un sourire à peine perceptible, un filet de voix. « Bonjour. » J'ai posé ma main sur son bras. C'était tout ce que je pouvais faire pour me retenir de sauter sur le lit et de la serrer contre moi. J'ai vu qu'elle était trop faible pour parler. Je lui ai dit de ne pas le faire et je me suis mis à jacter comme un malade. Ça ne faisait aucun doute. Elle était folle de joie de me voir, c'est ce que disaient ses yeux. C'était comme si son geste d'autodestruction avait, dans son esprit, apaisé toute sa culpabilité. Le courage de passer à l'acte semblait l'avoir légitimé à ses propres yeux. Cet acte plein de conviction, quelque névrotique qu'il soit, avait sollicité toutes ses forces et elle était désormais libérée. Libérée de sa pulsion. Sachant que le désir de mourir requiert une tension soutenue pour être mis à exécution. Et qu'une fois assouvi par cette tentative, il est vaincu, jusqu'à ce que la pulsion réapparaisse. Sauf si on réussit à se donner la mort du premier coup, évidemment, ou si on est vraiment cinglé. Sa main crispée a bougé. Mes yeux se sont posés sur elle et j'ai remarqué pour la première fois le drap tendu sur son ventre plat. Il était vide, creux. Elle avait perdu son bébé. Pendant un instant, je me suis demandé si elle savait. Puis je me suis dit qu'elle devait être au courant. Quelques secondes plus tôt, sa main était posée sur son estomac et ça faisait 10 jours qu'elle était à l'hôpital, mais vraiment une idée stupide. J'ai décidé de revenir à de meilleures pensées. L'infirmière s'est glissée près de moi et m'a dit qu'il serait préférable que je parte. Tout en lui promettant de revenir au prochain jour de visite, je me suis penché pour embrasser le front transparent de Joanne et je suis parti. Direction la salle de billard. Retour au bon vieux train-train. C'était devenu une vraie manie. Je suis jamais retourné à l'hôpital soutenir Joanne. Oh, c'est ce que je voulais, la soutenir. Chaque jour, je me flagellais quand je pensais à elle. Mais j'y suis pas retourné. En tout cas, 2 semaines se sont écoulées à ce régime. Mon incapacité à m'extirper de ma salle de billard, devenue ma prison, commençait à être grotesque, même pour moi. La veille de Noël, vers 17h, une jolie femme dans les 40 ans a franchi les portes du pénitencier et m'a fait demander. Je suis allé vers elle et en m'approchant, j'ai vu qu'elle était plus que jolie. Une vraie beauté qui, en dépit de son âge, faisait de l'effet à tous les mecs. Elle s'est présentée, elle m'a dit qu'elle était une amie de Joanne et elle m'a invité à dîner. Mon cœur bondissait d'une joie coupable. J'ai accepté et on a marché 5 blocs sans dire un mot jusqu'à son appartement de femme belle malgré ses 40 ans. Le type qui nous a paternellement ouvert la porte était un chauffeur de taxi. Mon hôtesse m'a dit que c'était son mari et que Joanne serait prête dans 1 minute. Ils étaient en plein préparatif d'un somptueux dîner. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. La porte du cabinet de toilette, quel mot horrible, s'est ouverte et devant mes yeux se tenait à nouveau la sublime Joanne, sosie de Jennifer Jones, tout juste sortie de la douche, pomponnée. Mon héroïne s'est avancée, resplendissante dans le peignoir de sa nouvelle amie. Juste quand tu penses avoir compris la leçon et que tu te jures de faire gaffe dorénavant, 1 seconde d'inattention et l'espoir rejaillit plus fort que jamais. 1 seul regard et je savais que j'étais revenu à la case départ. J'étais à nouveau saisi par cette bouffée suffocante que j'avais ressentie la première fois que je l'avais vue. J'ai essayé de me convaincre moi-même de reprendre illico ma routine à la salle de billard et de tirer mon foutu cul de ce pétrin. Au-dessus du festin sur lequel on s'était précipité, flottait un climat d'excitation. Joanne et moi, on se jetait sur le roast beef avec des regards amoureux, pendant que le chauffeur et sa femme nous adressaient de grands sourires. Et on faisait des projets, oui monsieur, tous les 4, et direct à voix haute en plus. Au début, j'étais un peu gêné quand notre hôte a déclaré sans préambule « C'est bon, vous avez perdu assez de temps comme ça les enfants. Il est clair que vous vous aimez tous les deux. » Et vous allez vous installer ensemble immédiatement. Repu. Après ce bon repas, je suis passé au cabinet de toilette pendant que les femmes faisaient la vaisselle et que le vieux lisait le journal. Bon Dieu, mais on dirait que tout ce que j'écris se passe dans un cabinet de toilette. Ne va pas croire que je fais une fixation, hein. Je raconte juste les événements exactement comme ils se sont passés. Et il en est encore question ici. Un coup frappé à la porte du cabinet de toilette. et je me suis levé pour faire entrer ma beauté ressuscitée. Elle semblait réservée, comme toujours, mais la peur et la gêne étaient de l'histoire ancienne. On s'est un peu ploté, et puis, assise sur le rebord de la baignoire, elle m'a demandé si je voulais jeter un œil à sa cicatrice. Je me suis agenouillé devant elle, histoire de mieux voir alors qu'elle ouvrait son peignoir pour dévoiler une affreuse plaie rouge, contrastant avec son ventre laiteux, qui s'étirait du nombril jusqu'au clitoris. Elle avait peur que je la trouve plus assez jolie, ou que je l'aime plus maintenant que son corps avait été abîmé par le scalpel du chirurgien qui avait pratiqué la césarienne. Apparemment, elle avait subi aussi une hystérectomie partielle et elle craignait d'avoir des problèmes pour avoir d'autres bébés. Quand on aura les moyens. Je l'ai rassurée sur tous les points. Je lui ai juré que je l'aimais. Et je le pensais. Et on est retourné au salon. Oh, misérable esprit. Escroc. Oh, fatal sens pratique. Les vêtements que je portais étaient vraiment dégueulasses. Mais un ami qui vivait au 12 Hodgen Street m'avait promis une tenue de rechange. Mon esprit stupide a décidé que je devais filer vite fait récupérer des affaires propres. Pour répondre à cette indéniable nécessité, j'ai promis que je serais de retour très vite et je suis parti. Mais où avais-je la tête ? Joanne a proposé de m'accompagner et j'ai décliné sa proposition en arguant qu'il faisait très froid et que j'irais plus vite tout seul. De plus, elle était encore fragile et comme elle devait travailler le lendemain, l'effort de ce long trajet serait trop éprouvant. Il serait absurde de mettre sa santé en péril. Si seulement je l'avais laissé m'accompagner. Si seulement elle s'était évanouie plutôt que de me laisser partir seule. Si seulement rien de tout ça n'était arrivé. Non seulement cette nouvelle promesse de bonheur est partie en fumée et j'ai perdu Joanne pour toujours, mais en plus, son équilibre mental s'est évaporé une fois pour toutes et elle a fini par sombrer dans la débauche, comme certaines femmes battues. Je me suis manié jusqu'à la boutique de fringues et après quelques échanges sympathiques, j'étais très vite sur le chemin du retour, direction l'appartement d'Ouillet et ma Joanne. Entre le 12 Hodgen Street et le 16 Lincoln Street, on peut, si on veut, longer East Colfax Avenue. Terrible erreur. Moment d'égarement. J'ai choisi ce trajet juste pour regarder les gens dans les rues bondées en me frayant un passage parmi eux. À mi-bloc, entre Pennsylvania Street et Pearl Street, il y a un bar où on peut apercevoir les clients à travers la vitrine. Je l'avais presque dépassé quand j'ai aperçu mon plus jeune frère en train de boire une bière tout seul. J'avais fait fi ça et les terribles réflexes du pochetron que j'étais m'ont fait pousser la porte pour lui taper une bière vite fait. Surprise, surprise, il était plein aux as et encore plus étonnant, il m'en faisait profiter grassement. Dès que j'avais fini mon verre, il en recommandait un et la serveuse n'avait pas le temps de se retourner que je l'avais déjà vidé cul sec. Le premier d'un trait et le suivant de gorgée, etc., etc. Et au bout d'une heure, je me suis mis à siroter tranquillement. Il a fini par me demander un numéro de téléphone. La raison de sa générosité, je suppose, que j'étais le seul à pouvoir lui donner. Il prétendait qu'il était assis là à gamberger à propos de la fille à qui appartenait ce numéro, et je l'ai cru. Je pouvais que le croire, parce que ces 5 derniers mois, il avait été plus qu'évident que cette nana lui avait retourné les sangs. Cette nana qui avait été la mienne. Je lui ai filé le numéro et il a couru d'une cabine à l'autre. Je lui avais demandé de ne pas parler de moi, de ne pas dire que j'étais là, et il m'avait assuré qu'il ne dirait rien. Pourtant, il l'a fait, même s'il l'a nié ensuite. La raison de sa trahison, bien qu'elle m'écoutait ma relation avec Joanne, était compréhensible. Il était sur le point de se voir refuser un rocard important alors qu'il était là à picoler. Il s'était servi de ma présence comme ultime tentative pour l'appâter. Elle lui a dit d'attendre qu'elle arriverait dans une heure. Ce laps de temps semblait assez normal. Elle habitait à l'est de Denver, pas la porte à côté. Je me disais que tout se déroulait à merveille. Bill avait la fille, moi j'avais de quoi boire, et encore un bref moment de grâce à savourer avant qu'elle arrive. Je n'avais absolument pas l'intention d'être là quand elle se pointerait. Je serais juste un peu en retard chez Joanne, où je prétexterais avoir eu des emmerdes pour récupérer les vêtements. Oh, triste coup du sort, oh, funeste instant. Si je ne m'étais pas envoyé cette dernière bière, je n'aurais pas à écrire tout ce qui s'est passé ensuite et j'aurais bouclé cette histoire par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Voilà, prends le temps de lire lentement et sois indulgent devant tout ce verbiage. Il y a deux choses que je dois dire ici. L'une est secondaire, et j'en parlerai plus tard, et celle dont je vais parler d'abord est essentielle pour comprendre l'histoire. Donc, tu vas avoir droit à l'un de mes flashbacks hollywoodiens. Je vais faire l'impasse sur quasiment tout, pour être le plus bref possible, même si, vu la nature des événements, ça va être difficile, surtout que je suis crevé. En numéro 1, le 23 juin 1945, après 11 mois et 10 jours de dur labeur, tu connais la chanson, j'ai quitté la maison de correction du Colorado. Peu de temps après mon retour à Denver, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer une beauté de 16 ans qui vivait dans les hauteurs de l'est de Denver et qui avait des parents riches. Une mère et sa vieille sœur, pour être exact. On l'appelait Cherry Marie. Marie-Anne Freeland. Parce qu'elle habitait sur Cherry Street et qu'elle était vierge quand je l'ai rencontrée. Cet état de fait n'a pas duré longtemps. Je l'ai défoncé comme un dingue et elle a adoré ça. Une liaison démente. J'aurais des tonnes de choses à raconter. Et difficile de pas déballer 20 ou 30 trucs tout de suite malgré ma résolution de faire court. Bon, je reste ferme. Et je ne raconterai pas nos 5 mois de baise avec toutes les aventures qui ont maillé cette période. On l'a fait sur des terrains de golf, sur des toits, dans des jardins publics, des cimetières, tu sais, la maison des morts, sur des talus enneigés, dans des écoles et dans des cours d'école, dans des salles de bain d'hôtel, dans les maisons vides dont s'occupait sa mère, elle était agent immobilier, de toutes les façons imaginables, partout où on se trouvait, au petit bonheur la chance, dans tellement de lieux qu'il m'est impossible de me les rappeler. Souvent, on marchait d'un bout à l'autre de la ville, simplement pour trouver un coin pour baiser. L'incident le plus marrant. Pour faire plaisir à sa mère, elle faisait du babysitting plusieurs fois par semaine chez des amis huppés et très en vue socialement. Elle m'appelait pour me donner l'adresse et me dire que la voie était libre et j'allais la rejoindre pour cette mission nocturne exceptionnelle et on s'accordait vite fait quelques gâteries avant que je parte au travail. À l'usine Goodyear donc. On a fait ça des tas de fois jusqu'à la fameuse soirée la plus marrante. C'était un dimanche soir, donc je bossais pas. J'ai attendu dehors devant le 16 Hyde Street que les parents s'en aillent. Je suis entré et on s'y est mis. Je m'étais déshabillé complètement et j'avais laissé mes vêtements dans le salon pendant qu'elle me lavait la queue dans la salle de bain. Quand on a entendu le bruit de la porte d'entrée et la grand-mère du bébé que gardait Cherry Marie marchait dans le vestibule. Cette vieille taupe est arrivée si vite qu'on a à peine eu le temps de fermer la porte de la salle de bain. J'étais là, à poil, sans mes fringues et impossible de sortir. Je pouvais pas rester là, au cas où la vieux ait envie de pisser. Et les vessies et les reins des vieilles ne sont pas les plus performants du monde en général. Impossible de me cacher dans la salle de bain et impossible de m'échapper discrètement, vu la configuration de l'appartement. Pire, Marie s'est soudain rappelé que l'intruse devait passer la nuit là. On s'est concerté en soupirant, en gloussant et en riant malgré tout. Et on a décidé que Marie sortirait de la salle de bain pour occuper la vieille dame en lui proposant d'aller se promener ou d'aller prendre un café pendant que je récupérerais mes vêtements et que je me rhabillerais. Pas gagné. Ma mission était de déplacer, aussi discrètement qu'une souris, toutes les babioles que les gens riches entassent au fil des années, qui bloquaient l'unique fenêtre de la salle de bain, et même si ça paraissait impossible, je devais monter sur la baignoire et détacher le volet extérieur avec une lime à ongles. Je pouvais difficilement atteindre l'extérieur pour actionner le volet, vu que la fenêtre s'ouvrait, mais vers l'extérieur. Mais j'ai poussé dessus en faisant un barouf du diable. J'ai réussi à l'entrouvrir suffisamment pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Restait à supporter l'impossible. L'impossible compression de mon corps et à m'y glisser. Je me suis dit que si je pouvais passer la tête, j'arriverais. Je pouvais le faire. En tordant d'un poil de chatte la solide barre de métal, à cette époque je soulevais 100 kilos à l'épaule jetée. Et évidemment, ma fierté en a un peu pris un coup alors que je me tortillais pour sortir dans l'air froid de novembre. J'étais foutrement content de n'être qu'au premier étage. Et j'avais été plus haut, et j'aurais eu peur du vide, mais c'est sûr. Donc, je me suis laissé tomber dans les buissons qui bordaient l'allée le long de la maison. Et je me suis caché là, tout grelottant et triomphant. Il y avait une fine couche de neige sur le sol, mais ça ne me gênait pas, à part pour mes pieds. Jusqu'à ce qu'un type gare sa voiture dans l'allée du garage, marche dans ma direction et passe devant ma cachette. Alors, je me suis retrouvé trempé, des pieds à la tête, parce que je m'étais couché par terre pour qu'il ne me voie pas. Et vu qu'il était 21h, ça faisait déjà une heure que j'étais dans le froid, toute une bande de riches bâtards risquait de venir garer leur bagnole. Cette crainte venait juste de me gagner. J'avais trop froid, désormais, pour pouvoir avoir envie de rire quand j'ai enfin vu Marie apparaître. Elle tenait mon pantalon, mes chaussures et mon manteau. Mais pas mon t-shirt, ni mes chaussettes. Elle avait oublié ces petits détails en s'empressant de tout ranger sous les yeux de la cause de ma situation embarrassante. La dame avait seulement remarqué ma ceinture et Marie avait dit qu'elle avait eu un cours de tannerie à l'école et qu'elle était en train de la pyrograver. Marie avait entendu le fracas quand j'avais défoncé la fenêtre. La vieille devait être sourde. Pendant que je m'enfuyais, elle continuait à parler de la dinde de Thanksgiving. Je me suis habillé et j'ai jacassé sans pouvoir me contrôler. Transi pendant tout le trajet jusqu'à l'Oasis Café, où on a pris un café chaud. Et voilà comment ça se passait d'aventure en aventure pendant cette période, chérie Marie. Le but de ce petit aperçu des mois précédents ma rencontre avec Johan était que tu comprennes ce qui s'est passé dans le bar avec mon jeune frère. Je reprends environ 1500 mots plus haut à pourquoi Johan et moi, nous n'avons pas vécu heureux et n'avons pas eu beaucoup d'enfants. Très simple. On nous a laissé aucune chance. Tu vois ? Alors que je sirotais la dernière bière de mon frère, je me souviens avoir décidé le plus sérieusement du monde que c'était vraiment la dernière. Deux flics en civil se sont approchés, m'ont demandé si j'étais Neil Cassady et m'ont viré. Apparemment, la mère de Cherry Marie avait entendu la conversation dans l'écouteur quand mon frère avait dit où je me trouvais et elle avait appelé la police. Elle avait de l'influence politiquement. Voilà. Voilà. Après m'avoir inculpé pour détournement de mineur, puis relâché puisque Marie, affolée, avait catégoriquement refusé de témoigner et qu'il n'y avait pas l'ombre d'une preuve contre moi, j'étais complètement paniqué. On m'a gardé en prison pour suspicion de cambriolage de la salle de billard où je traînais. L'accusation était peu plausible. Mais je m'étais déjà bouffé une paire de fois les couilles dans cette prison et je savais très bien comment fonctionnait cet endroit. J'ai connu pas mal de moments flippants. Jusqu'à ce que le commissaire de mes deux admette qu'il savait que j'étais innocent depuis le début. Et qu'il me relâche des semaines plus tard. Johan avait complètement disparu. Neil Cassady. C'était Sur la route de Neil Cassady. Lettre à Jack Kerouac et Allen Ginsberg, choisie et proposée par Julien Doubinck. Lue par Quentin Bayot et Pauline Ziadé. Guitare, Pierre Téréjol. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Éric Boisset et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Les lettres de Neil Cassady sont publiées en 2 tomes aux éditions Finitude dans une traduction de Fanny Wallendorf.